Je prends ma place de pilote dans le cockpit, je lâcherai comme un pic, l'air triste, la larme à l'œil avec mon couteau et ma mental de compétition. Je tiens la route comme une Jeep, pas le temps pour les babioles, ce genre de type anti-flic sur le beach m'excite. Je suis au top, full up, j'enchaîne les classiques et les hits. Les filles de bonne famille, les bitches, je m'en fiche. Si j'ai la gouache, je me tape aussi la reine d'Autriche. On est tous fichés, amenés à tricher. De toute façon, on ressasse, on va tous y passer. Rien à foutre des francs-maçons. On me reconnaît à la richesse de mon phrasé. Aux feuilles que je noircis comme un champion de mots croisés. J'ai ma façon de mener ma barque. Je prends le temps, doucement, assurément. Si ça se bouscule, j'irai loin du stress. Je prends le temps, doucement, assurément. J'ai ma façon de mener ma barque. Je prends le temps, doucement, assurément. Si ça se bouscule, j'irai loin du stress. Je prends le temps, doucement, assurément. C'est juste une mise au point, un regard différent. On l'oublie aisément, on nous le rappelle qu'on est différent. On prend des vents, on passe incognito devant les gens. Parfois on se rabat sur des mauvais plans. Dans les quatre coins de la France, c'est système D. On a un putain de savoir-faire. Du temps, on en a trop du père. A-B-E-Z-D-A-R. Rester scotché une vie entière, y'a tant de choses à faire. Surtout pas faire tiep comme ses victimes. Avec mes sons, c'est secrets de connexion, c'est la dream team. Tu peux te le garder ton taf, je fais le job le tour du globe. Je continue à mettre des baffes, à faire du beef. Sniff pas de coke, je veux pas ressembler à Chucky. C'est ta mère la junkie. Nous nous sommes défaites, on fait ce qu'on peut pour conjurer le sort. Tu te souviens, on est venu au monde pour péter le score. J'ai ma façon de mener ma barque, je prends le temps, doucement. Assurément, si ça se bouscule, j'irai loin du stress. Je prends le temps, doucement, assurément. J'ai ma façon de mener ma barque. Je prends le temps, doucement, assurément. Si ça se bouscule, j'irai loin du stress. Je prends le temps, doucement, assurément. C'est dans nos têtes, nos esprits. Vogue au-dessus des paroles qui blessent, du mépris. La vie ne nous ménage pas, on sait que ce n'est qu'un test. Mais parfois on n'en voit pas le bout, crois-moi. Je prends soin de ma face, de ma carcasse tant que je peux. Me faufiler vite les gouttes de pluie aigrie face à tant dans mon bleu. Je ne sais pas ce que c'est que d'être heureux. Pourtant, je commence à me faire vieux devant Dieu. Mes gamines me questionnent, la musique me passionne. Je peux pas leur dire que leur mère c'est deux grosses bouffonnes. Puis elles ne s'en occupent pas trop mal. Leur absence me fait mal, trop mal. Je continue à bouffer mes pattes, je m'accroche, je rappe. Tant se sont égarés, ont disparu, raccroche. Et c'est le fléau, hier c'était le complot des bas-fonds, les sléaux. J'ai toujours autant de respect pour mes frères. J'ai ma façon de mener ma barque, je prends le temps, doucement, assurément. Si ça se bouscule, j'irai loin du stress. Je prends le temps, doucement, assurément. J'ai ma façon de mener ma barque, je prends le temps, doucement, assurément. Si ça se bouscule, j'irai loin du stress. Je prends le temps, doucement, assurément.